Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles. Quatrième épisode. Encouragée par la marquise de Merteuil, Cécile se livre à son amour pour Danceny. Valmont, quant à lui, vient d'envoyer à Madame de Tourvel une lettre passionnée qu'il a écrite sur le dos d'une maîtresse. Lettres 53 et 57. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. C'est 3 et 5 septembre. J'ai vu Danceny. La première fois, je n'en ai obtenu qu'une demi-confidence. Il s'est obstiné surtout à me taire le nom de la petite Volange, dont il ne m'a parlé que comme d'une femme très sage et même un peu dévote. Mais depuis aujourd'hui, je le sais par cœur, ce beau héros de roman. Il n'a plus de secret pour moi. Je lui ai tant dit que l'amour honnête était le bien suprême, qu'un sentiment valait mieux que 10 intrigues, que j'étais moi-même dans ce moment amoureux et timide. Il m'a trouvé enfin une façon de penser si conforme à la sienne que dans l'enchantement où il était de ma candeur, il m'a tout dit et m'a juré une amitié sans réserve. Nous n'en sommes guère plus avancés pour notre projet. D'abord, il m'a paru que son système était qu'une demoiselle mérite beaucoup plus de ménagement qu'une femme, comme ayant plus à perdre. La sécurité de la mère, la candeur de la fille, tout l'intimide et l'arrête. Il aurait fallu, pour échauffer notre jeune homme, plus d'obstacles qu'il n'en a rencontrés. Surtout qu'il eût eu besoin de plus de mystère, car le mystère mène à l'audace. Je ne suis pas éloigné de croire que vous nous avez nui en le servant si bien. Votre conduite eût été excellente avec un homme usagé, qui n'eût eu que des désirs, mais vous auriez pu prévoir que pour un homme jeune, honnête et amoureux, le plus grand prix des faveurs est d'être la preuve de l'amour, et que par conséquent, plus il serait sûr d'être aimé, moins il serait entreprenant. Que faire à présent? Je n'en sais rien. Mais je n'espère pas que la petite soit prise avant le mariage, et nous en serons pour nos frais. J'en suis fâché, mais je n'y vois pas de remède. Adieu, ma belle amie. Je vous embrasse comme je vous désire. Lettre 58. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel, ce 7 septembre. Par où ai-je donc mérité, madame, les reproches que vous me faites et la colère que vous me témoignez? L'attachement le plus vif et pourtant le plus respectueux, la soumission la plus entière à vos moindres volontés, voilà en deux mots l'histoire de mes sentiments et de ma conduite. Accablé par les peines d'un amour malheureux, je n'avais d'autre consolation que celle de vous voir. Vous m'avez ordonné de m'en priver, j'obéis sans me permettre un murmure. Aujourd'hui, vous voulez m'ôter le seul plaisir qui me reste, celui de vous écrire. Savez-vous jusqu'où peut aller mon désespoir? Non. Pour calculer mes mots, il faudrait savoir à quel point je vous aime et vous ne connaissez pas mon cœur. À quoi me sacrifiez-vous? À des craintes chimériques. Et qui vous les inspire? Un homme qui vous adore. Un homme sur qui vous ne cesserez jamais d'avoir un empire absolu. Que craignez-vous? Que pouvez-vous craindre d'un sentiment que vous serez toujours maîtresse de diriger à votre gré? Mais votre imagination se crée des monstres, et l'effroi qu'ils vous causent, vous l'attribuez à l'amour. Un peu de confiance, et ces fantômes disparaîtront. Un sage a dit que pour dissiper ses craintes, il suffisait presque toujours d'en approfondir la cause. Aimez, et vos craintes s'évanouiront. À la place des objets qui vous effraient, vous trouverez un sentiment délicieux, un amant tendre et soumis, et tous vos jours, marqués par le bonheur, ne vous laisseront d'autre regret que d'en avoir perdu quelques-uns dans l'indifférence. Je ne veux pas vous désobéir, mais je suis à vos genoux. J'y réclame le bonheur que vous voulez me ravir, le seul que vous m'avez laissé. Je vous crie, écoutez mes prières et voyez mes larmes. Madame, me refuserez-vous? Lettre 61, Cécile Volanges à Sophie Carnet, ce 7 septembre. Ma chère Sophie, plainte à Cécile, ta pauvre Cécile, elle est bien malheureuse. Maman sait tout. Je ne conçois pas comment elle a pu se douter de quelque chose et pourtant elle a tout découvert. Hier au soir, Madame de Merteuil avait soupé ici avec quelques autres personnes. Maman me parut bien d'avoir un peu d'humeur, mais je n'y fis pas grande attention. Quand Madame de Merteuil s'en alla, je me retirai dans mon appartement. Je me déshabillai quand maman entra. Elle me demanda la clé de mon secrétaire, et le ton dont elle me fit cette demande me causa un tremblement si fort que je pouvais à peine me soutenir. Je faisais semblant de ne pas la trouver, mais enfin il fallut bien obéir. Le premier tiroir qu'elle ouvrit fut justement celui où étaient les lettres du chevalier Danceny. J'étais si troublée que quand elle me demanda ce que c'était, je ne sus lui répondre autre chose, sinon que ce n'était rien. Mais quand je la vis commencer à lire, celle qui se présentait la première, je n'eus que le temps de gagner un fauteuil, et je me trouvai mal au point que je perdis connaissance. Aussitôt que je revins à moi, ma mère, qui avait appelé ma femme de chambre, se retira en me disant de me coucher. Elle a emporté toutes les lettres de Danceny. Je frémis toutes les fois que je songe qu'il me faudra reparaître devant elle. Je n'ai fait que pleurer toute la nuit. J'ai un poids sur l'estomac qui m'empêche de respirer. Quand je songe que je ne verrai plus Danceny, je voudrais être morte. Adieu, ma chère Sophie. Je ne peux t'en dire davantage. Les larmes me suffoquent. Lettre 62, Madame de Volanges au chevalier Danceny, ce 7 septembre. Après avoir abusé, monsieur, de la confiance d'une mère et de l'innocence d'un enfant, vous ne serez pas surpris, sans doute, de ne plus être reçu dans une maison où vous n'avez répondu aux preuves de l'amitié la plus sincère que par l'oubli de tous les procédés. Je vous préviens aussi que si vous faites à l'avenir la moindre tentative pour entretenir ma fille dans l'égarement où vous l'avez plongée, une retraite austère et éternelle la soustraira à vos poursuites. C'est à vous de voir, monsieur, si vous craindrez aussi peu de causer son infortune que vous avez peu craint de tenter son déshonneur. Vous trouverez ci-joint le paquet de vos lettres. Je compte que vous me renverrez en échange toutes celles de ma fille et que vous vous prêterez à ne laisser aucune trace d'un événement dont nous ne pourrions garder le souvenir, moi sans indignation, elle sans honte et vous sans remords. Lettre 63. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, ce 9 septembre. Je n'ai pas perdu mon temps depuis votre dernière lettre. Vous me disiez qu'il lui faut des obstacles à ce beau héros de roman et qu'il s'endort dans la félicité. Oh, qu'il s'en rapporte à moi, je lui donnerai de la besogne. Et je me trompe ou son sommeil ne sera plus tranquille. Il fallait, dites-vous aussi, qu'il eût besoin de plus de mystères. Eh bien, ce besoin-là ne lui manquera plus. Apprenez donc ce que j'ai fait. En rentrant chez moi, avant-hier, je lus votre lettre. Je la trouvais lumineuse. Persuadé que vous aviez très bien indiqué la cause du mal, je ne m'occupais plus qu'à trouver le moyen de le guérir. J'allais le soir même chez Madame de Volanges, et je lui fis confidence que je me croyais sûre qu'il existait entre sa fille et Danceny une liaison dangereuse. Je citai des regards, des propos, dont ma vertu et mon amitié s'alarmaient. Je parlais enfin presque aussi bien qu'aurait pu faire une dévote. Et pour frapper le coup décisif, j'allais jusqu'à dire que je croyais avoir vu donner et recevoir une lettre. Cela me rappelle, ajoutai-je, qu'un jour elle ouvrit devant moi un tiroir de son secrétaire dans lequel j'en vis beaucoup, que sans doute elle conserve. Ici, la figure de Madame de Volanges changea, et je vis quelques larmes rouler dans ses yeux. « Je vous remercie, ma digne amie, me dit-elle en me serrant la main. Je m'en éclaircirai. » Je lui demandai simplement de ne pas me compromettre vis-à-vis de sa fille. Ce qu'elle me promit d'autant plus volontiers, que je lui fis observer combien elle serait heureux que cet enfant prît assez de confiance en moi pour m'ouvrir son cœur. Je me retirai enfin, fort contente de moi. À mon réveil, je trouvai deux billets, un de la mère et un de la fille. et je ne pus m'empêcher de rire en trouvant dans tous deux littéralement cette même phrase « C'est de vous seul que j'attends quelque consolation ». N'est-il pas plaisant, en effet, d'être le seul agent de deux intérêts directement contraires ? Me voilà comme la divinité, recevant les vœux opposés des aveugles mortels et ne changeant rien à mes décrets immuables. J'ai quitté pourtant ce rôle auguste pour prendre celui d'ange consolateur et j'ai été visiter mes amis dans leur affliction. J'ai commencé par la mère. Je l'ai trouvée d'une tristesse qui déjà vous venge en partie des contrariétés qu'elle vous a fait éprouver de la part de la belle prude. Ensuite, j'ai été chez la fille. Vous ne sauriez croire combien la douleur l'embellit. Pour peu qu'elle prenne de coquetterie, je vous garantis qu'elle pleurera souvent. Pour cette fois, elle pleurait sans malice. Frappée de ce nouvel agrément que je ne lui connaissais pas et que j'étais bien aise d'observer, je ne lui donnais d'abord que de ces consolations gauches qui augmentent plus les peines qu'elles ne les soulagent. Et par ce moyen, je la menais au point d'être véritablement suffoquée. Je lui conseillai de se coucher, ce qu'elle accepta, et je lui servis de femme de chambre. Bientôt, ses cheveux épars tombèrent sur ses épaules et sur sa gorge entièrement découverte. Je l'embrassai. Elle se laissa aller dans mes bras et ses larmes recommencèrent à couler sans effort. Dieu, qu'elle était belle! Ah, si Madeleine était ainsi, elle dut être bien plus dangereuse, pénitente que pécheresse. Quand la belle désolée fut au lit, je me mis à la consoler de bonne foi. Je la rassurai d'abord sur la crainte du couvent, je fis naître en elle l'espoir de voir Danceny en secret, et m'asseyant sur le lit, s'il était là, lui dis-je. Puis, brodant sur ce thème, je la conduisis de distraction en distraction, à ne plus se souvenir du tout qu'elle était affligée. En rentrant chez la mère, je l'ai décidée à éloigner sa fille pour quelque temps, à la mener à la campagne. Et où ? Chez votre tante, chez la vieille Rosemonde. Elle doit l'en prévenir aujourd'hui. Ainsi, vous voilà autorisée à aller retrouver votre dévote qui n'aura plus à vous objecter le scandale du tête-à-tête. Et grâce à mes soins, Madame de Volanges réparera elle-même le tort qu'elle vous a fait. Mais écoutez-moi, et ne perdez pas cette affaire de vue. Je veux que vous vous rendiez le correspondant et le conseil des deux jeunes gens. Apprenez donc ce voyage à Danceny et offrez-lui vos services. C'est de vos soins que va dépendre le dénouement de cette intrigue. Jugez du moment où il faudra réunir les acteurs. La campagne offre mille moyens. Une nuit, un déguisement, une fenêtre, que sais-je, moi. Mais enfin, si la petite en revient telle qu'elle y aura été, je m'en prendrai à vous. Adieu, vicomte. Voilà bien longtemps que je suis à vous écrire et mon dîner en a été retardé. J'ai faim. Lettre 65. Le chevalier Danceny à Cécile Volanges, ce 9 septembre. Envoyée ouverte à la marquise de Merteuil dans la lettre suivante du vicomte de Valmont. Oh, ma Cécile, qu'allons-nous devenir ? Comment vous peindre mon étonnement, mon désespoir à la vue de mes lettres, à la lecture du billet de Madame de Volanges ? Qui a pu nous trahir ? Auriez-vous commis quelque imprudence ? Que faites-vous à présent ? Que vous a-t-on dit ? Concevez-vous, ma Cécile, quel plaisir de nous retrouver ensemble, de pouvoir nous jurer de nouveau un amour éternel ? Quelle peine un moment si doux ne ferait-il pas oublier ? Eh bien, j'ai l'espoir de le voir naître. Cet espoir, je le dois aux soins consolateurs de l'ami le plus tendre. Et mon unique demande est que vous permettiez que cet ami soit aussi le vôtre. Vous connaissez l'ami dont je vous parle. Il est celui de la femme que vous aimez le mieux. C'est le vicomte de Valmont. La femme chez qui vous allez à la campagne est sa parente. Il profitera de ce prétexte pour s'y rendre dans le même temps que vous et ce sera par lui que passera notre correspondance mutuelle. Sans lui, je serai réduit au désespoir de ne pouvoir même adoucir les chagrins que je vous cause. Ils finiront, je l'espère, mais, ma tendre amie, promettez-moi de ne pas trop vous y livrer. L'idée de votre douleur m'est un tourment insupportable. Je donnerai ma vie pour vous rendre heureuse. Adieu, ma Cécile. Adieu, ma tendre amie. Lettre 66. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 9 septembre. Vous verrez, ma belle amie, en lisant la lettre ci-jointe, si j'ai bien rempli votre projet. On ne peut que s'humilier devant la profondeur de vos vues si on en juge par le succès de vos démarches. Danceny est tout de feu. Et sûrement, à la première occasion, vous n'aurez plus de reproches à lui faire. Si sa belle ingénue veut être docile, tout sera terminé peu de temps après son arrivée à la campagne. J'ai 100 moyens tout prêts. C'est votre affaire d'empêcher que Madame de Volanges ne songe au couvent pour Cécile. Tâchez aussi de faire abandonner la demande des lettres de la petite. D'abord, Danceny ne les rendra point, il ne le veut pas. Et je suis de son avis. Ici, l'amour et la raison sont d'accord. Je les ai lues, ces lettres. J'en ai dévoré l'ennui. Elles peuvent devenir utiles. Je m'explique. Malgré la prudence que nous y mettrons, il peut arriver un éclat. Il ferait manquer le mariage, n'est-il pas vrai, et échouer tous nos projets Gercourt. Mais comme pour mon compte, j'ai aussi à me venger de la mère, je me réserve en ce cas de déshonorer la fille. Que sait-on? Il peut s'engager un procès. Alors, en choisissant bien dans cette correspondance et n'en produisant qu'une partie, la petite Volange paraîtrait avoir fait toutes les premières démarches et s'être absolument jetée à la tête. Quelques-unes des lettres pourraient même compromettre la mère et l'entacheraient au moins d'une négligence impardonnable. Adieu, ma belle amie. Lettre 67. La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. Ce 9 septembre. Je ne voulais plus vous répondre, monsieur. Et peut-être l'embarras que j'éprouve en ce moment est-il lui-même une preuve qu'en effet je ne le devrais pas. Cependant, je ne veux vous laisser aucun sujet de plainte contre moi. Je veux vous convaincre que j'ai fait pour vous tout ce que je pouvais faire. Quittez donc un langage que je ne puis ni ne veux entendre. Renoncez à un sentiment qui m'offense et m'effraie. Ce sentiment est-il donc le seul que vous puissiez connaître ? Et l'amour aura-t-il ce tort de plus à mes yeux d'exclure l'amitié? Je ne veux pas le croire. Cette idée humiliante me révolterait, m'éloignerait de vous sans retour. En vous offrant mon amitié, monsieur, je vous donne tout ce qui est à moi, tout ce dont je puis disposer. Que pouvez-vous désirer davantage? Pour me livrer à ce sentiment si doux, si bien fait pour mon cœur, je n'attends que votre aveu. Que la parole que j'exige qu'il suffira à votre bonheur. Vous voyez ma franchise, elle doit vous prouver ma confiance. Il ne tiendra qu'à vous de l'augmenter encore, mais je vous préviens que le premier mot d'amour la détruit à jamais et me rend toutes mes craintes. Que surtout, il deviendra pour moi le signal d'un silence éternel vis-à-vis de vous. Si, comme vous le dites, vous êtes revenu de vos erreurs, n'aimerez-vous pas mieux être l'objet de l'amitié d'une femme honnête que celui des remords d'une femme coupable? Adieu, monsieur. Vous sentez qu'après avoir parlé ainsi, je ne puis plus rien dire que vous ne m'ayez répondu. Lettre 68. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel, ce 10 septembre. Comment répondre, madame, à votre dernière lettre? Comment oser être vrai quand ma sincérité peut me perdre auprès de vous? N'importe, il le faut, j'en aurai le courage. Il vaut mieux vous mériter que vous obtenir. Et dussiez-vous me refuser toujours un bonheur que je désirerais sans cesse, il faut vous prouver au moins que mon cœur en est digne. Si je n'avais pour vous qu'un goût ordinaire, enfant de la séduction et du plaisir, qu'aujourd'hui pourtant on nomme amour, je me hâterais de tirer avantage de tout ce que je pourrais obtenir. Je désirerais votre confiance dans le dessein de la trahir. J'accepterais votre amitié dans l'espoir de l'égarer. Quoi, madame, ce tableau vous effraie? Eh bien, il serait pourtant tracé, d'après moi, si je vous disais que je consens à n'être que votre ami. Non, madame, je ne serai point votre ami. Je vous aimerai de l'amour le plus tendre et même le plus ardent, quoique le plus respectueux. Vous pourrez le désespérer, mais non l'anéantir. De quel droit prétendez-vous disposer d'un cœur dont vous refusez l'hommage? Par quel raffinement de cruauté m'enviez-vous jusqu'au bonheur de vous aimer? Celui-là est à moi. Il est indépendant de vous. Je saurai le défendre. S'il est la source de mes maux, il en est aussi le remède. Non. Encore une fois, non. Persistez dans vos refus cruels, mais laissez-moi mon amour. Disons mieux, c'est à vous que vous faites injustice. Vous connaître sans vous aimer, vous aimer sans être constant, sont tous deux également impossibles. Pour moi, dont le seul mérite est d'avoir su vous apprécier, je ne veux pas le perdre. Et loin de consentir à vos offres insidieuses, je renouvelle à vos pieds le serment de vous aimer toujours. Lettre 70. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, ce 11 septembre. Je vous promets, ma chère amie, de mener à bien l'aventure de votre pupille et de m'occuper d'elle autant que de ma belle Prude. Celle-ci vient de m'envoyer un projet de capitulation. Toute sa lettre annonce le désir d'être trompée. Elle veut que je sois son amie. Mais moi qui aime les méthodes nouvelles et difficiles, je ne prétends pas l'en tenir quitte à si bon marché. Et assurément, je n'aurais pas pris tant de peine auprès d'elle pour terminer par une séduction ordinaire. Mon projet, au contraire, est qu'elle sente bien la valeur et l'étendue de chacun des sacrifices qu'elle me fera, de ne pas la conduire si vite que le remords ne puisse la suivre, de faire expirer sa vertu dans une lente agonie, de la fixer sans cesse sur ce désolant spectacle, et de ne lui accorder le bonheur de m'avoir dans ses bras qu'après l'avoir forcée à n'en plus dissimuler le désir. Au fait, je vaux bien peu si je ne vaux pas la peine d'être demandé. Et puis-je me venger moins d'une femme hautaine qui semble rougir d'avouer qu'elle m'adore? Adieu, ma belle amie, je pars demain. Lettre 73. Le vicomte de Valmont à Cécile Volanges, ce 14 septembre. L'ami qui vous sert a su que vous n'aviez rien de ce qu'il vous fallait pour écrire et il y a déjà pourvu. Vous trouverez dans l'antichambre de l'appartement que vous occupez, sous la grande armoire à main gauche, une provision de papier, de plumes et d'encre qu'il renouvellera quand vous voudrez et qu'il lui semble que vous pouvez laisser à cette même place si vous n'en trouvez pas de plus sûr. Il vous demande de ne pas vous offenser s'il a l'air de ne faire aucune attention à vous dans le cercle et de ne vous y regarder que comme un enfant. Cette conduite lui paraît nécessaire pour inspirer la sécurité dont il a besoin et travailler plus efficacement au bonheur de son ami et au vôtre. Il vous conseille aussi de lui rendre, à mesure, les lettres que vous aurez reçues, afin de risquer moins de vous compromettre. Il finit par vous assurer que, si vous voulez lui donner votre confiance, il mettra tous ses soins à adoucir la persécution qu'une mère trop cruelle fait éprouver à deux personnes, dont l'une est déjà son meilleur ami, et l'autre lui paraît mériter l'intérêt le plus tendre. C'était « Les liaisons dangereuses » de Pierre Chauderlos de Laclos, adaptation Lise Charles, quatrième épisode. Avec Élodie Hubert, Cécile Volanges, Sophie Doll, la marquise de Merteuil, Gabriel Dufay, le vicomte de Valmont, Flora Brunier, la présidente de Tourvel, Evelyne Guimara, madame de Volanges, Lorenzo Lefebvre, le chevalier d'Anceny. Violoncelle baroque et arrangement, Lisa Herbès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Claude Nior, Bastien Varigaud, Félix Levaché, Jean-Mathieu Zande. Thank you.